Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons quitter le thème des Jeux Olympiques pour aborder la question de la production des déchets et de leur recyclage. Pourtant, s'il y avait une épreuve de production de déchets aux Jeux Olympiques, le Québec aurait une belle occasion de médaille. En fait, c'est ça, le Québec aurait une belle occasion de médaille d'or en et inversement, les chances du podium seraient maigres en matière de recyclage. Alors voici le portrait de la collecte de déchets et du recyclage au Québec avec Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Ben oui, comme tu l'as dit, le Québec est vraiment loin d'être un champion du recyclage parce qu'on fait vraiment pied de figure dans la gestion des matières résiduelles. Tu sais, on entend souvent des beaux discours qui encouragent le recyclage. On voit des bacs verts partout dans les rues qui sont remplis. Puis chaque maison a plusieurs bacs verts maintenant aujourd'hui. Mais derrière tout cette belle façade, ben il y a une vérité qui est difficile à croire et même que ça, plusieurs gens ignorent. Ben les Québécois sont parmi les plus grands producteurs de matières résiduelles au monde. Étonnant quand même. Oui, et pour vous donner une idée, ben un Québécois va produire deux fois plus de matières résiduelles qu'un Japonais. Puis au Japon, ils sont pas mal plus qu'ici. 60% de plus qu'un Français et même 15% de plus qu'un Américain. On dépasse même les Américains à ce niveau-là. Et gérer des déchets, ça coûte vraiment cher. Pour le Québec, au total, par année, ça coûte 1,3 milliard de dollars qui s'en va dans les poubelles. Et le principal obstacle à cette diminution-là d'enfouissement des déchets, c'est que l'enfouissement, c'est très payant. Et le recyclage, ça ne l'est pas. Mais quelle désolation, Mélanie. Mais comment sommes-nous arrivés à faire un tel gaspillage? Bien, au Québec, il y a cinq dépotoirs qui reçoivent 75% des déchets de la province. Et pendant que le gouvernement avait des politiques qui visaient la valorisation et le recyclage des matières résiduelles, bien, d'un autre côté, il accordait des permis d'enfouissement de déchets avec des capacités qu'on pourrait dire faramineuses. Et malgré les nombreuses études qui préconisent la récupération, le compostage ou surtout l'enfouissement local, ben nos administrations ont choisi la solution facile puis ont décidé de participer au développement des méga dépotoirs. Puis c'est ainsi qu'il y a quatre compagnies qui exploitent aujourd'hui les cinq plus grands dépotoirs du Québec. Et on pourrait quasiment dire qu'ils sont devenus des barons de la poubelle parce qu'ils contrôlent 75% du marché lucratif de la gestion des matières résiduelles au Québec. Et pour donner une image, une idée de ces méga dépotoirs, est-ce que tu peux nous dire la quantité de déchets qu'on peut enfouir dans un site d'enfouissement? Dans un de ces sites-là? Oui, dans le dépotoir, il y en a un qui est assez énorme, qui est situé pas très loin de Saint-Jérôme, là, vers Montréal. Ben, ça représente 1,7 million de tonnes par année. Mais le plus gros site est à Lachenaie, où aboutissent 25% de toutes les poubelles du Québec. Puis durant sa vie utile, chacun de ces dépotoirs-là peut générer un chiffre d'affaires d'à peu près 1 milliard de dollars. C'est comme, en fait, un puits de pétrole, mais à l'envers. Plus on le remplit, ben, plus on s'enrichit. Mais pas nous, en fait, les compagnies. C'est ça. Mais quel est l'état global de la situation au Canada, par exemple? Ben, les revenus d'exploitation des entreprises de gestion de déchets représentent 6 milliards de dollars au Canada. En 2010, la quantité totale de matières résiduelles qui a été éliminée représentait 25 millions de tonnes. Il y a 37% des matières qui sont éliminées qui proviennent du secteur résidentiel, donc monsieur, madame, tout le monde. C'est ça de nous, là, c'est ça. Il y a seulement un quart des matières résiduelles qui est récupéré, le reste, ben, il est éliminé. Puis au Canada, la majorité des déchets, malheureusement, aboutissent dans des dépotoirs, même si l'enfouissement de toutes ces matières-là, ça produit un liquide toxique et des biogaz qui sont très dommageables pour l'environnement. Et aussi une bonne partie des matières qui sont enfouies qui pourraient être surtout récupérées et recyclées. De 2008 à 2010, la quantité totale de déchets résidentiels qui a pris la route là, des dépotoirs ou des incinérateurs a diminué seulement de 1%. Et la quantité des déchets non résidentiels seulement de 6%. Pourtant, il y a environ 90% des ménages canadiens qui ont accès à des programmes de récupération puis qui participent de plus en plus. Le problème, c'est que il n'y a pas de suivi là vraiment dans l'industrie du recyclage. Et puis, si on regardait maintenant la situation au Québec de façon globale? C'est pas vraiment mieux, comme on le disait en début de chronique. Au Québec, il y a 6,7 millions de tonnes de matières qui finissent dans les dépotoirs. Et malgré plein d'études là, qui préconisaient de favoriser l'enfouissement et le compostage, comme je le disais, ben, il y a trois compagnies qui ont flairé la bonne affaire, puis aujourd'hui, ben, ils contrôlent 75% du marché de la poubelle. Il y a l'autre problème aussi, c'est que les municipalités investissent pas vraiment énormément dans les infrastructures de recyclage et de compostage parce que ça coûte vraiment moins cher de tout envoyer à la décharge. OK. Et les dépotoirs finissent par déborder. Et le gouvernement, là, ben, il se voit forcé de décréter leur agrandissement. Mm-hmm. Puis là, ben, ça assure le maintien des bas prix de l'enfouissement. Et c'est vraiment comme, on pourrait dire, une spirale du gaspillage. Mm-hmm. Puis là, les dépotoirs, ben, ils font une concurrence qu'on pourrait dire déloyale aussi à l'industrie du recyclage parce que ça requiert une main-d'œuvre et des infrastructures assez importantes. Mais à long terme, ça pourrait représenter des sources importantes de revenus puis réduire aussi l'impact de la production de déchets sur l'environnement. Ben oui, tout à fait. Et donc, il y a plein d'avantages, mais malheureusement, c'est mis de côté. C'est un peu aussi le cas des matières premières, parce que le Québec exporte beaucoup de matières récupérées, mais il les transforme pas ici. Donc là, on vend une grande partie de nos matières qui sont récupérées puis qui sont triées, on les vend à la Chine. Des milliers d'heures de catéchèse. On vend une grande partie de nos matières récupérées et qui a été triée dans nos poubelles à la Chine puis à l'Inde. Donc, en plus, on empêche un essor d'une industrie locale de recyclage qui serait viable et qui pourrait générer des emplois ici. Beaucoup plus qu'on pense. Puis, on le réalise encore très peu que les matières récupérées, c'est pas des déchets. C'est des ressources qui sont vraiment importantes, puis ça pourrait être très économiquement profitable. Ben oui, parce que c'est une sorte de matière première, finalement. Ça peut devenir exactement une matière première. Ça. Et en fait, Mélanie, est-ce que je dois comprendre dans ce que tu me dis que ce que je mets dans le fond au recyclage peut se ramasser dans les sites d'enfouissement? Malheureusement, c'est pas tout ce qui est recyclé qui va vraiment l'être. OK. Et quoi jeter dans les poubelles et quoi mettre au recyclage alors? Ben, la poubelle idéale devrait contenir seulement des déchets qu'on appelle ultimes. Ça, c'est des matières résiduelles pour lesquelles c'est impossible de les réutiliser. C'est ça. Et qu'il n'y a aucun recyclage ou aucune deuxième vie qu'on pourrait leur donner. C'est ça. Et ça représente environ 10% des matières résiduelles qui sont produites. Et là, je parle juste du secteur résidentiel. Uh-huh. Donc, c'est dans le fond, il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas recycler. Hein. Là, on dit que c'est juste 10%. Uh-huh. Entre 10 et 15% du contenu des bacs de récupération sont des matières non recyclables. Donc, c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on met au recyclage et ils vont pas aller au recyclage. C'est ça. Parce qu'ils sont soit sales et qui doivent être envoyés dans des dépotoirs. Et ça, c'est aux frais des centres de tri. Mm-hmm. Donc, le bac de récupération idéal devrait contenir seulement du papier, du carton, du verre, du métal, du plastique et des contenants comme des contenants de lait ou de jus. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, des résidus verts comme les feuilles mortes ou les branches d'arbres, par exemple? Ben ça, bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de municipalités qui organisent au printemps et à l'automne ce qu'on appelle une collecte de résidus verts. Là, je parle de résidus de jardinage, de potager, les feuilles mortes, les branches d'arbres. Et ça fait aussi partie de tout ça, la fameuse collecte des arbres de Noël après les fêtes. Tout à fait. C'est une bonne façon de détourner vraiment des quantités très importantes de déchets du dépotoir. Et donc, si vous voulez savoir les dates exactes de ce genre de ramassage-là, ben vous pouvez aller sur les sites Internet de votre municipalité. Normalement, c'est indiqué là dans les services aux citoyens, j'imagine. Vous allez trouver ça assez facilement. Donc, c'est vraiment... De toute façon, si vous laissez dans d'autres moments de l'année un sapin sur le bord du chemin, il va rester là. Parce qu'ils ne ramasseront pas aux poubelles. Et on sait, Mélanie, qu'on a entendu parler depuis longtemps que Victoriaville est un modèle en termes de recyclage. Oui. En fait, qu'est-ce qu'il en est de Victoriaville? En fait, on dit que c'est le berceau du développement durable aussi. Est-ce que Victoriaville fait mieux que le reste du Québec? J'imagine que la réponse est oui. Ben, il semblerait que oui, parce qu'elle est en train de devenir la championne au Québec pour détourner les matières des sites d'enfouissement, tandis que Montréal traîne beaucoup la patte. Le plus étonnant, c'est qu'il coûte seulement 10$ de plus par ménage et par année à Victoriaville pour être deux fois plus verte que Montréal. Depuis Victoriaville, c'est pas vraiment aussi gros que Montréal. Non. c'est vraiment un exemple d'efficacité dans la collecte et le traitement des déchets. C'est un bel exemple à suivre. Il y a très peu de villes qui atteignent ce genre de cible-là au Québec. Ben, le problème, c'est qu'elles attendent toujours à la dernière minute d'être forcées par une loi qui viendrait les obliger à investir dans tout ça puis à changer leur politique. Mais les gens aussi, ils vont pas devenir adeptes du recyclage puis du compostage du jour au lendemain, même si on met une réglementation. Non, c'est ça. C'est un changement des habitudes. C'est ça. Il faut intégrer des pratiques puis sensibiliser les gens dans leur vie quotidienne. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Il faut les habituer puis leur montrer c'est quoi les avantages de faire ce genre de choses-là, pas juste à court terme, mais à long terme. C'est ça. Donc, il y a vraiment des gros efforts à faire au niveau de la gestion de nos poubelles au Québec. Est-ce que tu as vu, je pense que c'est la Française qui venait, tout le monde en parle, qui produisait un kilo de déchets par année? Oui, j'ai vu ça. C'est assez impressionnant quand même. Ça, c'est un assez bon exemple de quelqu'un qui consomme pas beaucoup. Là. Oui, c'est ça. Puis, je vous invite aussi, si vous voulez en savoir plus, il y a un excellent documentaire visionné là-dessus qui s'appelle La poubelle province. Sur le site de Radio-Canada, poubelleprovince.radiocanada.ca. Oui, c'est très bien pensé. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment souri. Il y a vraiment plein de statistiques là-dessus, puis il y a un super bon documentaire qui a été réalisé là, ici au Québec. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. C'est super intéressant. Moi-même, je pensais pas qu'on était aussi mauvais en gestion de matières résiduelles. On n'a même pas une médaille de bronze. On a une médaille de rien. C'est une médaille de poubelle. C'est ça. Un prix citron. Oui, un prix citron, oui. Oui, c'est ça. En fait, bon, alors, merci. Voilà, en fait, un portrait peu reluisant de la gestion des déchets au Québec. Et au point de départ de cette question, il faudrait peut-être se demander aussi pourquoi nous sommes les champions mondiaux de la production de ces déchets. Ça, oui. Ben, je pense qu'il y a un peu de surconsommation. On est très bon là-dedans. Hein. Uh-huh. Est-ce que aussi les objets sont suremballés ou Il y a ça aussi. Sûrement oui, ça aussi. Quand on achète un sac de lait, on le met. Il est déjà dans un des sacs de lait déjà dans un sac, puis on ben te oui. propose de le remettre dans un sac pour sortir de l'épicerie. Là, c'est spécial. Mais écoute, merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL 89.1 et au retour, on reste sur le même thème puisqu'on vous parle de biométhanisation.